T'es vraiment qu'un enfant du démon, toi, qui tue nos minots pour des histoires de stup. Tous ces allers-retours en prison, fais-toi un sacré petit fils de pute. À l'horizon, je vois que des mères d'une bande de futurs retraités en quête d'une pension solidaire. Je suis toujours sur les nerfs contre ces couillons qui pour du pilon tirent sur les mers. Couille de grizzly, ça remplit les gorges depuis mission suicide. Ça éduque tes voyous de studio, envoie le bon filon man. Ça fait bien longtemps que Chétan a pris leur âme. Lacoste et N, OJBM, nus dans DM, violence et haine, douleur et peine, couleur ébène. J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Baby, on veut la vie à Didi, quitter la CD. J'suis dans la berline, j'connais le plan comme Berlin. Dans le Merco compresseur, avec deux le professeur. Bang bang, le coup pas, ouais, c'est comme tu pas. Tout va bénéfice, tout pour le bénéfice. On vient d'une zone à risque, on a pris des risques. Tu me sortir sur Baltimore. Ça veut la vie à Massimo, gardien. Pour la vie, j'fais le maximum. Les galères, les problèmes, c'est rien. On s'adapte au TP dans le hall. Y'a de la ganja, y'a de l'alcool. Et si ça sort le night, et si ça part en live, tu vas faire pleurer maman avant de folle. J'étais là avant eux. Je retourne le sang comme une pute à 20 eux. Je sais qui m'en veut, n'ont pas besoin d'aveu. Tout en le tout en eux, gros bisous bien baveux. Gosse du bindo, marginal Belmondo. Cible sur mon dos, c'est moi contre El Mundo. Pour toujours avec toi, pour toujours avec Raymond. Du love, du vrai, jusqu'à ce que j'oublie mon prénom. J'ai le démon, je nique ma vie pendant que le temps s'évade. Rikard, t'es roi de la ville, malin qui chague et j'tente ses vagues. Bas les masques, bas les couilles des maths. Tu peux finir tes max 47, cul, échec et mat. Monster, par la voix des ondes, j'arrive dans le cluster. Je reconnais les vrais hommes et les imposteurs. J'perds l'époque du holster, regard Winchester. C'est tout pour faire de l'avant, Pogba Manchester. J'ai les doigts fripés, à force d'être trempé dans de la mouille acide. Du temps à trimer mais je bouille à vide. Serre-moi un bouc acide. Au lieu de me casser les couilles, la bite dans la débrouillardise. Je suis un moujahidine, j'fume de la nougatine. Oui je m'évade qu'avec ce bout d'hachiche, loin de ce brouillard gris et de leur brouillardise. Deux ou trois gouttes de vaseline sur le cul de ces journalistes. J'ai cramé ces ploucs racistes, en vrai je trouve ça triste. Elle arrive en Urus, ma clique, futur tragique, cursus classique, pute, sus, ma bite. T'es qu'une salope d'usurpatrice. J'ai noté leur num dans une puce gratuite. J'attends que tous ces gugus abdiquent, ou bien qu'ils crèvent d'un lupus tardif. Je vais les avoir à l'usure grave vite. Une pure tactique, plus dure va venir. C'est Baltimore, ça veut la vie à Massimo, gardien. Pour la nuit, je fais le maximum. Les galères, les problèmes, c'est rien. On s'adapte au TP dans le hall. Y'a de la ganja, y'a de l'alcool. Et si ça sort le night, et si ça part en live, tu vas faire pleurer maman avant de fall. Parole et parole, mais toujours là. Quand un frère réussit, on dit mashallah. Tout le monde gagne pas la tombola. Chez moi, t'es honnête ou dans les hills là. La réalité est fort que la fiction. Les frères finissent pire que Jimone. Devance la mort avant qu'elle n'arrive à la porte pour sonner. Mappé, Bangé, Ganou, Zinga, Seris, Poli et la fée, on la connaît. Dans ce game, combien vivront, arriveront? On le veut, le gros bonnet. Le respect est mort depuis que les petits font plus crazy. Quand tu rousa, c'est des mkarakara, pas du hazi. J'dèh, mais les grands surveillent, des petits, ils les guident. Pas de plaque, pas d'hommage, dame nature à horreur du vide.